Voir conditions sur sectoralarme.fr. Société agréée par le CNAPS, mention sur sectoralarme.fr. Bel été. Il nous reste devant encore un long parcours. Il nous reste du temps avant de faire le tour. Sur France Inter. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les infos, Anne Domès. Ce mercredi, les Sentai sont dans Blockbuster. 17h, Frédéric Sigrist. Bioman, Xor, les Power Rangers. Depuis des décennies, ces héros colorés aux costumes kitsch qui se battent contre des monstres en caoutchouc au milieu de décors miniatures en carton-pâte fascinent les enfants. Ce genre venu du Japon est une véritable institution avec ses codes et ses grands artistes. Blockbuster, transmutation. Blockbuster, la culture qui cartonne. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 17h. France Inter, partenaire de la Route du Rock, 33e édition, du 13 au 16 août à Saint-Malo. Entre les plages et le fort de Saint-Père, 4 jours de concerts dans des cadres exceptionnels en bord de mer. Retrouvez les artistes légendaires et les nouveautés de la scène indépendante internationale avec Pulp, Kraftwerk, King Krul, La Femme, Dominique A et bien d'autres artistes. La Route du Rock à Saint-Malo, du 13 au 16 août, un événement France Inter. C'était Amoré qui chantait Last Maria on Earth. Daniel Fievé, Naufragé, une histoire vraie sur France Inter. Aujourd'hui, la descente aux enfers des marins du Wager. En mars 1746, soit plus de 4 ans après la réapparition du premier groupe de naufragés du Wager, un homme, le visage émacié et le regard sombre, débarque dans le port de Douvres, au sud-est de l'Angleterre. C'est le capitaine Chip. À ses côtés, le lieutenant des marines Thomas Hamilton et l'enseigne de vaisseau John Byron. Tels des spectres revenant de l'enfer pour tourmenter ceux qui leur ont fait du tort, ces trois hommes réapparaissent, bien décidés à régler leur compte à ceux qui les ont abandonnés sans scrupule sur une île déserte. Mais comment ont-ils fait pour se sortir de la situation désespérée dans laquelle nous les avions laissés? Rembobinons le fil de cette histoire pour revenir au moment où ils s'étaient résignés à regagner leur campement après le cuisant échec de leur expédition pour s'échapper du golfe des Pennes. Nous sommes donc au tout début de l'année 1742. Ils ne sont plus que 13 sur l'île et ont perdu tous leurs vivres. Alors que leur sort semble scellé, deux canoës surgissent à l'horizon. À leur bord, un groupe d'autochtones. Ce sont des Chonos, un peuple de marins qui vit plus au nord que les Kaweskar que les naufragés avaient rencontrés et bêtement fait fuir quelques mois plus tôt. Cette fois, la communication est plus facile. Nosotros, inglés. ¿Cómo se llama? L'un des Chonos, dénommé Martin, parle espagnol, une langue que comprend le chirurgien Walter Elliott. Les Anglais implorent les Chonos de guider leur barge jusqu'à l'île de Chiloé, où se trouve la plus proche colonie espagnole. Martin et l'un de ses congénères acceptent de leur venir en aide. Le 6 mars 1742, les 13 naufragés reprennent la mer. Lors d'une des premières escales pour chercher de la nourriture sur le rivage, Chip voit 6 de ses hommes s'enfuir avec la barge. Qu'est-ce qui pourrait pousser des scélérats à commettre un acte aussi vil? Je ne puis l'affirmer, si ce n'est leur couardise. Les crises d'autorité à répétition du capitaine Chip et son entêtement à vouloir s'emparer d'un navire espagnol malgré l'état de ses hommes sont sûrement la cause de cette nouvelle désertion. Chip et ses 6 derniers fidèles embarquent sur les canoës des Chonos. Les hommes sont épuisés. Après quelques jours de navigation, l'un des marins britanniques meurt. Puis c'est au tour du chirurgien, Walter Elliott, de pousser son dernier soupir. À bord des canoës, les 4 derniers naufragés, Chip, Byron, Campbell et Hamilton, rament avec l'énergie du désespoir, obéissant aux consignes des Chonos. Les autochtones leur disent quoi manger et les rabrouent lorsqu'ils cueillent malencontreusement des baies empoisonnées. Ils se considéraient comme nos maîtres. Nous étions obligés de nous soumettre à eux en toutes choses. Pour ces Européens partis coloniser le monde, persuadés de leur supériorité sur les peuples de ces contrées lointaines, la situation est vécue comme humiliante. Mais ces hommes, qu'ils considèrent toujours comme des sauvages, sont en train de leur sauver la vie. 3 mois après avoir quitté leur île, au terme d'une traversée dantesque, les canoës atteignent enfin le rivage de l'île de Chiloé. Les 4 Britanniques sont dans un état épouvantable. Selon Byron, le capitaine Chip est le plus mal en point. Je ne pouvais comparer son corps à rien d'autre qu'à une fourmilière. Des milliers d'insectes rampant dessus. Il avait achevé de se perdre, ne se remémorant plus nos noms, de ceux qui étaient autour de lui, ou même le sien. Sa barbe était aussi longue que celle d'un ermite. Son corps semblait réduit à de la peau sur des os. Le capitaine Chip, qui rêvait de s'emparer d'un navire marchand espagnol une fois arrivé sur l'île de Chiloé, est porté à moitié mort jusque dans la hutte d'un village autochtone. À peine a-t-il le temps de reprendre quelques forces qu'un groupe de soldats espagnols surgit. J'étais à présent réduit à l'infâme nécessité de me rendre. La plus grande infortune qui pouvait arriver à un homme. Chip, Hamilton, Campbell et Byron sont faits prisonniers. Pendant des mois et des mois, ils croupissent au fond d'une geôle sombre, infestée de puces. Tous les jours passés ici me paraissaient une éternité. Mais cette éternité finit par prendre fin. Après 2 années et demie de captivité, Chip et ses compagnons d'infortune sont libérés à la faveur d'un accord d'échange de prisonniers conclu entre l'Espagne et la Grande-Bretagne. Campbell, qui semble s'être rapproché des Espagnols durant sa captivité, décide de rester. Le capitaine Chip, le commandant des marines Hamilton et l'enseigne de vaisseau Byron sont, eux, rapatriés en Angleterre. Voilà comment, après toutes ces années d'absence, les 3 hommes arrivent à Londres en 1746, avec une revanche à prendre. À peine arrivés, le capitaine Chip accuse Bulkeley et ses complices de mensonges devant les hauts responsables de l'amirauté. Que peut-on attendre de tels poltrons ? Après qu'ils nous eurent abandonnés de la manière la plus inhumaine et qu'ils eurent détruit à leur départ tout ce qu'ils croyaient pouvoir nous être d'une quelconque utilité, je me flatte de considérer que ma conduite, tant avant qu'après le naufrage, apparaîtra irréprochable. Je n'ai rien à dire, ni pour ni contre ces scélérats, jusqu'au jour du procès, quand rien n'empêchera plus que ces hommes soient pendus. Cette fois, le procès est inévitable. Tous les rescapés du Wager, officiers, sous-officiers et marins, sont sommés de se présenter devant une cour martiale. On attend du tribunal qu'il établisse les responsabilités de chacun et punisse les coupables. Bulkeley, Cummins et leur soutien risquent la pendaison pour mutinerie, mais le capitaine Chip pourrait lui aussi être condamné à mort pour le meurtre de l'enseigne de vaisseau Henry Cousins. Le 15 avril 1746, le procès s'ouvre dans une tension extrême. Le capitaine Chip est le premier à être interrogé. Contre toute attente, les questions des juges portent uniquement sur les circonstances du naufrage du Wager. À ce sujet, Chip n'a qu'une seule personne à blâmer, son ancien second, le lieutenant Robert Bynes, pour avoir omis de lui transmettre certaines observations. Hormis votre second, accusez-vous un autre officier d'avoir été en quelque façon responsable de la perte du Wager ? Non, monsieur. De cela, au moins, je les absous tous. Puis c'est au tour de John Bulkeley de répondre à la cour. Lui aussi n'a droit qu'à des questions portant sur le naufrage. Avez-vous la moindre objection à formuler sur la conduite du capitaine ou des officiers, ou de manière générale sur ses actes relatifs au salut et à la préservation du bâtiment et de son équipage. Je ne peux rien ajouter à la charge de tel ou tel officier. Pourtant, dans son journal, Bulkeley n'hésite pas à faire porter la responsabilité du naufrage du Wedger à Chip, qui s'est entêté au-delà du raisonnable dans une direction que plusieurs officiers lui déconseillaient. Alors pourquoi Bulkeley ne réitère-t-il pas ses accusations à l'encontre du capitaine ? Parce qu'il a compris qu'en se contentant d'établir les causes du naufrage, le tribunal propose une porte de sortie honorable à tous les naufragés. Une sorte de marché tacite qui pourrait se résumer ainsi. Nous n'aborderons pas ce qui s'est passé sur l'île. En contrepartie, évitez de porter les uns contre les autres de lourdes accusations. David Chip n'aura pas sa vengeance sur John Bulkeley et ses acolytes. Mais il n'aura pas non plus à rendre des comptes au sujet du meurtre de Henry Cosens. Attendu que le capitaine Chip a fait son devoir et usé de tous les moyens en son pouvoir pour préserver le Wedger. Tous les hommes sont acquittés, à l'exception du lieutenant Bynes, qui reçoit une simple réprimande. Le tribunal a profité d'une zone d'ombre du règlement de la Royal Navy. Une fois le bateau détruit, les marins n'ayant plus droit à leur salaire, on pouvait considérer que la loi navale ne s'appliquait plus sur l'île. Ce parti pris permet de donner l'illusion à l'opinion publique que la justice est passée, tout en évitant de ternir l'image de la Grande-Bretagne, comme l'explique David Graham. L'amirauté avait certainement de bonnes raisons de vouloir voir cette affaire s'effacer des esprits. Exhumer et examiner l'ensemble des faits incontestables qui s'étaient produits sur l'île, les pillages, les vols, les flagellations, les meurtres, aurait fini par saper un principe fondamental par lequel l'Empire britannique tentait de justifier sa domination d'autres peuples. En l'occurrence, l'affirmation que ses forces impériales et sa civilisation étaient par nature supérieures. Et l'idée que ses officiers étaient des gentilshommes et non des brutes. Malgré tous ses efforts en haut lieu pour étouffer l'affaire, plusieurs rebondissements et résurgences viendront raviver les mémoires. 3 mois après le procès, Isaac Morris et 2 autres marins qui avaient été abandonnés par le Speedwell sur la côte argentine réapparaissent à leur tour. Ils avaient été sauvés par des autochtones, puis faits prisonniers par les Espagnols. Isaac Morris relance l'intérêt du public en publiant sa version de l'histoire. Près d'un demi-siècle plus tard, le poète Lord Byron, qui n'est autre que le petit-fils du jeune enseigne de vaisseau John Byron, évoque dans plusieurs de ses œuvres le drame vécu par son grand-père. L'opposé du destin de notre aïeul m'a été infligé. Il n'eut point de repos sur l'océan, ni moi sur le rivage. C'était La descente aux enfers des marins du Wager, épisode 2. Comédiens Frédéric Soutrel, François Hatt et Pablo Chéret Iturald. Réalisation Fabrice Lègle, mixage Basile Bocquer, prise de son Amaury Paoli, attaché de production Emmanuel Fournier et coordination Fanny Boyon. Vous retrouverez sur la page du podcast Naufragé, une histoire vraie sur franceinter.fr les références des ouvrages sur lesquels je me suis appuyé pour écrire cette histoire. Les 7 autres épisodes diffusés cet été, issus du podcast Naufragé, une histoire vraie et In Extremis, histoire de survie, sont déjà téléchargeables sur l'application Radio France. Que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit quand plus rien ne fait mal et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Prends-moi la main. C'était Feu Chatterton qui chantait « Allons voir ». Et merci à Djoubaka qui signe la programmation musicale de cette émission. Merci également à David Leprince qui réalise nos bivouacs de l'été. Le temps d'un bivouac replie sa tente. À demain pour de nouvelles aventures. Et dans un instant, vous retrouverez « Face à l'histoire » de Philippe Collin. Aujourd'hui, « Les déportés, la mémoire ». 12h30. Allez, échauffement. 12h32. Ouh. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Secteur alarme, agis aussitôt. En moins de 20 secondes chrono. Moins de 20 secondes en cas de cambriolage ? Et puis quoi encore ? Et puis en cas d'incendie. Et puis aussi en cas de situation d'urgence. Et puis on est imbattable sur les avis clients en ligne. Secteur Alarme, frais d'installation offerts. Voir conditions sur secteuralarme.fr. Société agréée par le CNAPS, mention sur secteuralarme.fr. France Inter présente EBM, le premier album de Yamé. MYTPS, la société, on connaît les procédés, faut qu'à sociétaire. J'ai la dalle et la satiété, je connais pas, je suis tenace comme sale béquet. Danny Boss, la mentalité, dans le coffre, faut le cash à la Dangoté. Produit fini de qualité, son pétard, lui, ils peuvent pas nous taire. Rajoute un piano insensé, que le studio soit incendié. Y'a les potos, la mif, même les sondiers. Y'a les potos, la mif, même les sondiers. Tarrage pour l'édition limitée, tarrage la détache, je suis vacciné. Je suis plus qu'à un noix, je suis un tas de billets. Je suis plus qu'à un noix, je suis un tas de billets. Les calculs sont bons, c'est pas GPT, sont les derniers à comprendre, c'est GPTO. Y'a mais j'avais pas que t'avais ce flow. C'est pas chez les ricains que je l'ai pété. Tu comptes trop, t'arrives comme si tu pèses. T'as scanné ton chemin jusqu'ici. J'manie les outils à l'ancienne. J'manie les outils sur la scène. Les poteaux sont partout dans la ville. Cherche à se donner un sens à la vie. Un faux pas sont traités de salafis. Par des gens pires que des salafis. Deux, trois holdings, j'ai les manettes. J'ai les contrats, plus les galères. Si j'interviens, c'est que c'est grave. Si j'interviens, c'est que t'es à pair. C'était un extrait de EBM, le premier album de Yamé. Vous écoutez France Inter, il est 15h. Et c'est Anne Domès qui vous présente le flash. Les États-Unis lancent de nouvelles négociations pour instaurer un couloir humanitaire vers la bande de Gaza. C'est l'émissaire américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, qui va mener les discussions. Alors qu'une centaine d'ONG alertent une nouvelle fois sur la famine de masse qui sévit dans l'enclave. Ce matin, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes sur la bande de Gaza. Elles ont fait 17 morts, selon la défense civile. Le Royaume-Uni annonce des sanctions contre les réseaux d'immigration clandestine. 25 personnes ou organisations sont ciblées, et notamment des chefs de réseau basés dans les Balkans, des donneurs d'ordre agissant depuis le Moyen-Orient ou une entreprise chinoise de bateaux gonflables. Le Royaume-Uni enregistre depuis le début de l'année plus de 23 000 arrivées illégales sur son territoire via la Manche. En Grèce, la canicule qui sévit depuis lundi s'est accentuée avec des températures frôlant localement les 45 degrés. Ça devrait s'aggraver encore vendredi et samedi. La chaleur et le manque d'eau provoquent provoque par ailleurs une pénurie d'eau qui alarme les autorités. Emmanuel Macron attend l'avis du Conseil constitutionnel d'ici le 10 août pour se prononcer sur la loi Duplon. Précision ce matin de la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Alors que l'opposition de gauche demande au chef de l'État de ne pas promulguer, voire d'organiser une nouvelle délibération sur le texte qui réintroduit un pesticide interdit en France depuis plusieurs années. La pétition anti-loi Duplon déposée sur le site de l'Assemblée nationale affiche aujourd'hui près d'1 800 000 signatures. Rachida Dati exclut de démissionner, le gouvernement la soutient. La ministre de la Culture est renvoyée devant la justice pour corruption dans l'affaire Renault-Nissan. La date de son procès sera connue en septembre. L'audience pourrait se tenir après les élections municipales. Rachida Dati ne cache pas ses ambitions pour la mairie de Paris en 2026. Le parquet requiert de nouveau un procès contre l'acteur Gérard Depardieu pour viol et agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoux. De précédentes réquisitions avaient déjà été prises en ce sens l'an dernier. Elles avaient été invalidées pour des raisons de procédure. Cet après-midi, Charlotte Arnoux se dit soulagée mais prudente. Elle attend, dit-elle, l'ordonnance de mise en accusation. L'ex-compagne de Cédric Jubilard, entendue ce matin à la gendarmerie d'Auch dans le Gers sur demande de la justice. Il y a quelques semaines, elle a affirmé que Cédric Jubilard lui a confié avoir étranglé sa femme, Delphine, et d'avoir dissimulé son corps dans un endroit qu'il avait préalablement repéré. Le Tour de France avec une étape pour les sprinteurs. Aujourd'hui, 160 km entre Bolène dans le Vaucluse et Valence dans la Drôme. Du plat essentiellement avec deux petits cols de catégorie 4. Tadej Pogacar est en jaune. Il survole toujours la grande boucle. France Inter présente... Hé, hey, c'est l'heure des Odyssées. Cette fois, oh purée, j'ai pété les plombs. J'ai kidnappé les quatre grands maîtres du mystère. Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Arsène Lupin et le grand reporter Rouletabille. Résultat, pour se libérer, chacun d'entre eux va nous raconter sa meilleure enquête. Cet été, oserez-vous plonger au cœur du mystère ? Les Odyssées de France Inter. À télécharger sur l'appli Radio France. Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours. 15h03 sur Inter, c'est maintenant Face à l'Histoire avec Philippe Collin et aujourd'hui le dernier épisode de la série sur les déportés, La Mémoire.